Mosaïque. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à l'émission Mosaïque sur Isanganiro. Une histoire commune, des valeurs positives au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo, c'est le sujet du débat Mosaïque d'aujourd'hui. Comment valoriser l'histoire commune et les valeurs positives des populations pour aboutir à une paix durable au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Nous sommes avec trois invités sur le plateau. Aloïse Batungwanayo, historien, chercheur, commissaire à la CVR, Commission Vérité et Réconciliation. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous remercie pour m'avoir invité. Nous sommes également avec professeur Pascal Nyonizigiye. Vous êtes politologue, enseignant d'université, spécialiste en matière des relations internationales. Bonjour et bienvenue, professeur. Bonjour. Et puis il y a Kigabo Elias. Vous êtes de la communauté congolaise vivant au Burundi. Bonjour. Bonjour, je vous remercie. Alphonse Kubgimana et Berthier Mugiraneza assurent la mise en onde. Réalisation d'Alain Désiré Boukeneza. À la présentation, Léonce Vitaliho. Mosaïque. La radio Isanganiro traite une fois le mois les questions de la région des Grands Lacs. Mosaïque. C'est en partenariat avec l'organisation La Benevolentia. Mosaïque. Aloïse Batungwanayo, chaque pays a son histoire, ses valeurs, sa culture. Mais qu'est-ce que ces pays de la région des Grands Lacs, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, ont en commun comme histoire, valeurs positives, culture, etc. La première chose, c'est de dire que les pays, vous avez oublié de citer la Tanzanie, vous avez oublié de citer l'Ouganda, qui faisaient partie des royaumes des pays des Grands Lacs. Des royaumes des pays des Grands Lacs. Des royaumes des pays des Grands Lacs. Oui, des royaumes des pays des Grands Lacs qui avaient une mode de gouvernance commune. Je vais dire là, vous ajoutez des royaumes. Des royaumes des pays des Grands Lacs qui avaient une mode de gouvernance commune. Je vais dire le roi, la croyance animana, Dieu, donc c'est-à-dire le monothéisme avec des cultures et d'humanité. Et donc, l'humanité, c'est le mot. La culture de l'humanité. Vous comprenez que c'est au royaume des pays des Grands Lacs que j'ai cité, avait le même mode de gouvernance, avait la croyance animana. Je dis bien animana. Animana. Dieu. Animana. Dieu. Oui, Dieu, c'est français. Et imana, on trouve ça au Rwanda, on trouve ça en Tanzanie, on trouve ça au Congo. Oui, au Congo. Et on trouve ça même en Ouganda. Vous comprenez que... Même signification. Oui, vous comprenez que lorsque vous avez une même croyance, vous avez presque les mêmes valeurs. Parce que vous avez la même croyance, ce qui guide en fait l'humanité entière. Il y a également les langues, le Kirundi, le Kinyarwanda. Ça se parle à quel niveau, à quelle échelle dans cette sous-région? Pourquoi vous vous limitez? Il y a le Kirundi, le Kinyarwanda, le Kiganda, il y a le Kifuliro à un certain moment. Non, beaucoup plus l'Ouganda. On dit l'Ouganda parce que ce n'est pas le Kiganda, ça c'est autre chose. Il y a le Kiha, il y a d'autres langues qui sont similaires. En fait, ce qu'on appelle les langues bantoues. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se comprennent. Les langues bantoues. Les langues bantoues, ce sont des gens qui se comprennent. Et là, je vais ajouter... Lorsqu'il y avait des ennemis au moment des monarchies, les gens demandaient une aide militaire. Là, je donne un exemple. Le Burundi, lorsqu'il a été attaqué par les Allemands, il a demandé une aide militaire à Abuha. Le royaume de Abuha a envoyé des soldats pour combattre les Allemands. Ils avaient quelles armes? Ben, écoutez, les arcs, les lances, les arcs avec du poison, et c'était fort. Vous souviendrez que le Burundi a combattu l'Allemagne pendant 7 ans, sans aucune arme à feu. Vous comprenez que c'était des gens, des guerriers. Donc, et là, mais les Allemands avaient des fusils. Les Allemands avaient des fusils, mais ils ont eu un combat acharné pendant 7 ans, avec des gens qui n'ont pas des armes à feu. Et là, je ne m'arrête pas là. Il y a eu toujours... des relations entre le Burundi et le Rwanda, entre le Burundi et le Congo, et d'ailleurs au Congo, il y a un royaume des Barundi. Royaume des Barundi. Ben oui. En République démocratique du Congo, juste tout près de Kamanyola, tout près de Sangé. il y a le royaume de Barundi. Et Barundi le roi qui s'appelle Kirundi. Bien sûr. Le roi s'appelle Kinyoni. De temps en temps, il vient ici au Burundi. Donc vous comprenez qu'il y a eu toujours des relations, je dirais, séculaires et des relations d'amitié. Et bien sûr, des relations tendues, c'est normal, entre les frères. Il y a toujours des relations tumultueuses et des relations en dinde aussi. Donc vous comprenez qu'il y a des valeurs communes. Qu'est-ce que c'est cette histoire des Barundi congolais? L'histoire des Barundi congolais, ça date de très longtemps, sous le royaume de Ntalerugamba, qui aurait fait des combats ici, tout près à Nouvira, et qui aurait eu un enfant avec une Congolaise. Et donc... Là aussi, vous venez sur des questions de mariage mixte. Ça, je ne l'ai pas dit parce que jusqu'à aujourd'hui, je donne un exemple. J'ai été du côté Muyinga. Vous savez qu'il y avait, depuis 2015, il y avait une tension entre le Burundi et le Rwanda. Mais les gens m'ont dit qu'ils souffraient de ne plus avoir des relations avec leur parenté de l'autre côté. Parce qu'il y a des mariages de l'autre côté, il y a des parentés. Les gens te disent, mon oncle se trouve au Rwanda. Les autres te disent, ma nièce se trouve au Rwanda. Là, c'était du côté de Muyinga. Ah bon. Ben oui. Et vous comprenez, ici, entre le Burundi et le Congo, surtout du côté de Buganda, il y a des relations très fortes entre les Barundis et les Congolais. Et donc, vous comprenez que les gens ont des relations très intimes. Allez du côté de Lumonge, les gens passent la journée en cultivant à Ubuari et ils rentrent le soir. Et ils vont récolter. Donc vous comprenez ces relations socio-économiques et politiques finalement. Professeur Pascal Nionizekiye, spécialiste en matière des relations internationales, vous estimez que les trois pays ont en commun quoi comme histoire et valeurs culturelles partagées? Nous parlons essentiellement du Burundi, du Rwanda et de la République démocratique du Congo, mais Aloïse, il ajoute d'autres pays, l'Ouganda, la Tanzanie. C'est finalement une vaste région. Oui, bien sûr. Parce que tous ces pays-là, ça veut dire le Congo, le Burundi, le Rwanda, se trouvent dans une même ère culturelle. Donc Aloïse Batongo, d'ailleurs, l'a bien souligné, que ce soit sur le plan linguistique, on parle de langues bantoues, et les langues bantoues sont dans plusieurs pays, ce n'est pas que les trois, mais puisque nous parlons des trois, il faut remarquer que depuis très longtemps, même avant la colonisation, il y avait des interactions entre nos peuples. La preuve, c'est que si nous analysons les modes de gouvernance, comme l'a souligné encore une fois Aloïse, eh bien, ils sont presque les mêmes. Depuis pratiquement, du 7e au 14e siècle, dans ces royaumes, il y avait une organisation clanique. Ce sont des clans. Les clans. Les clans qui régnaient dans tous ces pays-là. Et le clan qui était prédominant, c'est celui-là qui a donné le Mwami. Parce qu'après, dans le Bushi, dans le royaume du Burundi, dans le royaume du Rwanda, il y avait des Bwami. Des Bami qui avaient comme symbole de pouvoir le tambour. Et pratiquement, il y a beaucoup de choses qui... Par exemple, l'intronisation du roi dans tous les trois royaumes était un événement très, très important. La fête de Muganura, ça existait ici au Burundi, ça existait au Rwanda, ce qu'on appelait Muganura. Au Bushi, on parle de Muganura aussi, comme ici chez nous. Donc, il y a vraiment beaucoup de ressemblances. Oui. Depuis la nuit des temps. Finalement, nous avons beaucoup de choses qui devraient nous unir par rapport à ce qui nous sépare. Ouais. Il y a aussi l'histoire des clans, le clan des Banyarwanda au Burundi. Et ça se trouve même en RDC, je ne sais pas. Oui, mais surtout ici au Burundi. Je ne sais pas, peut-être qu'Aloïse pourra nous en parler pour ce qui concerne le Congo. Mais sinon, je sais qu'il y a un clan des Banyarwanda. Et franchement, on dit que ce sont des gens qui sont venus du Rwanda. Mais il y a longtemps, c'était avant la colonisation, ils ont fui. Je crois qu'il y avait un conflit entre un chef local et le roi du Rwanda. Et ces gens ont fui en masse. Il paraît qu'ils seraient passés par l'est du Congo, effectivement, et qu'ils sont venus sur Burundi. Et la particularité chez ce clan, c'est que ce sont des gens qui sont dans toutes les pratiquement les régions du Burundi. Et à un certain, moment de l'histoire, professeur Niyonteze Guiye, lors de la colonisation, on parlait du Rwanda-Urundi. Uh-huh. Est-ce qu'on peut dire que les deux pays, le Rwanda et le Burundi, c'était un même royaume ou un même pays? Non, ce n'était pas un même royaume. Bon, c'était des pays qui étaient... qui avaient été mises ensemble sur le plan de l'administration coloniale belge. Mm-hmm. Parce que ce qui importait pour les Belges, c'était d'organiser les deux petits royaumes comme des sources de main d'œuvre pour le Grand Congo. Ah. C'est pour cela que vous trouvez, dans le, par exemple, dans la région minière de Lubumbashi, il y a beaucoup de Burundais qui sont partis travailler là, des Rwandais, c'est dans le parc de Virunga, vous trouvez des... Et même ici, à l'est... Et ils ont finalement vécu là. Oui, il y en a qui sont toujours là. Des gens d'origine burundaise, oui, qui sont restés là. Il y a d'autres qui sont partis et qui sont revenus. C'était vraiment un réservoir domaine, parce qu'ici, au Burundi, au Rwanda, nous avons une densité qui est très, très, très forte. Ce sont des royaumes qui n'ont pas été... disons, touchés par l'esclavagisme, tout ça, à l'intérieur des montagnes, comme l'a souligné Aloïse, ils se sont battus sérieusement contre, que ce soit les Allemands, que ce soit les esclavagistes arabes, Rumaliza, et les Belges trouvaient beaucoup de gens ici pour les amener au Congo, pour travailler là-bas. Ouais. Elias Kigabo, vous êtes de la communauté congolaise et vivant au Burundi. Vous constatez donc cette histoire commune et les valeurs culturelles partagées pour les populations des trois pays, la République démocratique du Congo, votre pays, et le Rwanda et le Burundi. Cette histoire commune, ces valeurs culturelles partagées, ce sont lesquelles, selon vous? Comme mes amis viennent de le dire, nous partageons presque les mêmes valeurs. Le Rwanda, le Burundi, même la Tanzanie, et même l'Ouganda, comme le professeur l'a dit. Nous partageons les valeurs culturelles à partir de la croyance, à partir de la monarchie. Auparavant, vous vous souvenez de l'histoire du Burundi et du Congo et du Rwanda, c'est presque les mêmes valeurs que nous partageons. Il y avait des rois. Il y avait des princes, il y avait presque la monarchie royale du Congo, Burundi, Rwanda, c'était presque semblable. C'est comme ça qu'on disait que nous partageons les mêmes valeurs. Et l'hospitalité, comment on accueille les gens, entre guillemets, étrangers, qu'en est-il pour l'hospitalité en République démocratique du Congo, par exemple, quand ils voient un Burundais ou un Rwandais visiter ce pays? Tu sais, notre région, c'est comme une famille, nous sommes comme une famille. Lorsque tu rentres, tu viens du Burundi et tu es au Congo, tu te sens que c'est presque à la maison. Mm-hmm. C'est pas la même chose que tu es au Tchad ou en Algérie. Tu es au Congo, tu sais qu'on partage les mêmes valeurs. Il y en a des Burundis qui sont au Congo, il y en a des Congolais qui sont au Burundi. Lorsque tu es au Burundi, comme moi je suis de la Congolais qui parle de langue Kinyamlenga, c'est du Rwanda. C'est du Rwanda. Partageons le même langue. Mm-hmm. Quand je suis ici, je n'ai pas besoin d'un interprète qui va interpréter ma langue. Mm-hmm. Je parle le Kinyarwanda et toi, tu vas entendre ce que je dis. Donc, vous visitez facilement les trois pays, vous êtes comme chez vous. Comme si je suis à la maison. Vous vivez au Burundi depuis quand? Je suis ici depuis 2006. Ça fait quand même un bon bout de temps. Et qu'en est-il pour l'agriculture et l'élevage? Ce sont des modes de vie partagés pour les trois pays. Pour les trois pays. Mm-hmm. Il y a de l'agriculture, il y a de l'élevage. Mm-hmm. C'est presque la même. Mm-hmm. C'est la même. Il n'y a pas une différence entre les trois pays. Le rite qu'on appelle Kugabira, Inga, donner une vache, ça a quelle valeur? Donner une vache à un ami, une parenté comme ça. Ça a une grande valeur. C'est-à-dire, quand tu donnes une vache à une personne, c'est-à-dire, c'est comme si vous formez une amitié qui est un peu très spéciale. Si vous formez une amitié, ça, il n'est pas un ami tout simplement, il devient comme le frère. Oui. Aloïse Fatungwanayo, un mot à dire par rapport à ce rite de Kugaba. Donner une vache, donner même la terre à quelqu'un. Permettez d'abord que j'ouvre une parenthèse que je vais vite fermer pour montrer les valeurs communes. Vous allez au Rwanda, comment on appelle le tibia? On dit Kumurundi. Au Rwanda. Au Rwanda. Tibia. Tibia, on dit Kumurundi. Kumurundi. Même ici, chez Kigawo, ou même au Nord Kivu, chez les rwandophones, on dit Kumurundi. Ça on m'a étonné. Mais oui. Alors qu'ici, c'est Kumurundi. Oui, oui, oui. Donc le tibia. Donc je ferme la parenthèse pour montrer les valeurs communes. Kugawa, ça avait, et ça a jusqu'à aujourd'hui, une valeur très fondamentale dans l'entretien des relations interclans. Pourquoi je dis ça? Lorsque Henri donnait ce qu'il avait et comprenait que Kugawa ne consistait pas en don de terre ou de vache seulement. Il y avait également des objets qui venaient de la forge, les serpettes, les lances, les chèvres. Au Burundi, comment on dit? Yamaisukao. Vous comprenez ce que c'est? C'est une grande valeur. C'est-à-dire, c'est lui qui m'a donné un outil pour cultiver. Et d'autres vont dire, Yamaingao, c'est lui qui m'a donné une vache. Et donc, vous comprenez, il y a une relation. Je le dirai jusqu'à la fin de ma vie. Et donc, vous comprenez qu'au niveau sociologique, ce culte, je le dirais, cette coutume de Kugawa avait une grande importance dans la relation, dans l'entretien interclan. Parce que quelqu'un qui donnait ne regardait pas à qui il donne. Il donnait. Il ne regardait pas son clan ou à l'époque, on ne parlait pas d'ethnie au Burundi. Je dis du côté Congo, on ne regardait pas la tribu à laquelle l'autre appartient. Il suffisait qu'on pouvait se comprendre et on pouvait lui donner quelque chose. La terre, la vache, la lance. Pour Amutkwa, qui donnait une lance? Parce que c'était les Batois qui fabriquaient les lances. Ils ont ce don de fabriquer les lances. Ils donnaient ça à un Munyakarama, à un Muzigaba, à un quoi qui avait beaucoup de vaches. Ça veut dire quoi? Ils lui donnent une arme pour protéger ses troupeaux. À un certain moment, vous pensez que c'est anodin, mais ça a une grande valeur parce que vous me donnez quelque chose de très petit, mais qui va me permettre à protéger mes troupeaux. Et moi, je lui donne une vache. Donc vous comprenez ces relations qui étaient vraiment très intimes. Super. Et qui entretenaient un beau voisinage. Il y avait aussi professeur Nyonizi Guillé, Pascal, cette histoire de Kugawa, il y avait le roi. Le roi donnait beaucoup de vaches. N'importe quel citoyen pouvait demander et il obtenait ce qu'il demandait. La terre, la vache, ses objets aussi. Oui, le roi en particulier, parce que c'était dans la tradition de la sous-région, le roi, le Mohammi, c'était le propriétaire de la terre d'une manière générale et des vaches. Et celui-là, c'est lui qui donnait, parce que en fait, le dirigeant, d'une manière universelle, il faut le dire, ça existe dans toutes les sociétés du monde, le prince, il redistribue. Il reçoit les gens. Il reçoit et redistribue. Oui, oui. Les gens font allégeance. Ils amènent chez le roi. Et en contrepartie, le roi, en fait, redistribue. Parce qu'en fonction des mérites des sujets. Et sur le plan universel, j'ai beaucoup aimé ce que Aloïse a souligné sur le plan sociologique. C'est que ce qu'on appelle le don et le contre-don. Chez des sociologues comme Marcel Mauss, qui a étudié le phénomène. Ça veut dire que, en fait, le principe, c'est de donner, recevoir et rendre. Voilà. Ça veut dire, si on a reçu, on est dans l'obligation de rendre. C'est pourquoi, par exemple, dans la langue portugaise, pour dire merci, on dit obrigado. Si vous faites un geste agréable, on vous dit obligado. Ça veut dire, je suis votre obligé. Ça veut dire, je serai obligé de rendre. C'est ça. Normalement, même ici, partout, même si on ne le dit pas, c'est comme ça. C'est le même Marcel Mauss qui disait que ce qui oblige au don, c'est que le don oblige. Si on vous a donné quelque chose, vous êtes dans l'obligation. Oui, agafu qui vous vieillit, qui chose wakan. C'est ça. C'est sur le plan universel. Pour ce qui concerne notre sous-région, c'était vraiment quelque chose de très sensible. Parce que nous, on vivait essentiellement de la terre et de l'élevage. même si, comme l'a souligné Aloïse, il y avait d'autres activités, notamment la chasse, la pêche, et on pouvait donner des cadeaux en fonction des métiers qui étaient pratiqués. Voilà. Qu'est-ce que vous diriez de cette histoire de Guhezagira ou Guhezagiza Imbuto, bénir les semences? C'est le roi qui bénissait les... Oui, avec le Muganuro, à la fin de l'année, c'est le roi qui devait bénir les semences. Parce que lui, vous voyez, dans la devise burundaise, il y avait « Imana, Umwami, Uburundi ». Le roi était l'intermédiaire entre Dieu et le Burundi. Et c'est lui qui bénissait. Il était... Et ça s'est présent partout dans le... Oui, partout, même au Rwanda, même ici au Gushi, ou dans d'autres royaumes de la sous-région. Alors, ils ont souligné pour le cas du Buganda, ou même jusqu'en Tanzanie, vous voyez. On a mené une étude il y a quelques années, en 2016, sur... Bon, c'était la trace des pays du Nord Tanganyika. Et là, on voit qu'il y a vraiment... C'est au-delà du Burundi, du Rwanda et du Congo. Vous avez une grande partie de la Tanzanie, l'Ouganda, et ce que c'est. Voilà. Alors, Elias Kigabo, est-ce que vous en savez quelque chose? Cette histoire de Guhezagira ou Guhezagiza Imbuto, bénir de la part du roi, est-ce que ça existait du côté de l'autre côté, en République démocratique du Congo? Moi, j'ai étudié ici au Burundi. Je ne savais pas beaucoup d'histoire du Congo. Mais ce que je sais, ça existait au Rwanda. Oui, c'est le roi qui bénissait Imbuto. Oui, c'est comme... Donc, le roi était le propriétaire de tout. Le propriétaire de tout. La terre et les... C'est lui qui était le propriétaire de tout. C'est lui qui décidait. Oui. Qu'est-ce que les trois pays, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo, ont en commun comme histoire et valeurs culturelles partagées? Permettez que l'on suive ensemble cet extrait d'interview avec Franck Lumo Bilongo, doctorant en histoire, enseignant à l'université de Bukavu. Je prendrai d'abord l'aspect socio-politique. Dans cette sous-région, il y a l'institution Bwami qui existe dans les trois pays, dans les trois états traditionnellement reconnus, les Bwami. Et dans cette région, les Mwami, c'est le chef suprême. Il est le chef de la terre, il est le chef de tout le monde, le chef qui contrôle tout ce qui se passe dans son pays. Il a d'ailleurs un droit divin. On lui doit l'obéissance. Il a le pouvoir divin. Le pouvoir divin, exact. Toutes ces populations, que ce soit au Burundi, que ce soit au Rwanda, et une partie du Congo, notamment dans les Bushi, les Buhavu, les Bufuliru, il y a cette institution politique qu'on appelle les Bwami, qui est une valeur, en tout cas, partagée entre le culture de ces trois pays. Je donne, ne fût-ce que cet seul exemple. Mais pour les valeurs culturelles, dans cette région, il y a l'institution ou alors la culture de la vache, la culture de la vache et de la roue, qui est une valeur. La vache joue un rôle très capital dans la société, que ce soit au Bushi, au Congo, au Bufuliru, au Burundi et au Rwanda. Le rôle, c'est beaucoup plus un rôle social, qui renvoie d'ailleurs à des implications économiques, parce qu'on doit faire l'élevage. Essentiellement de l'agriculture et l'élevage. Exact. La roue, c'est pour l'agriculture, c'est une valeur. On ne doit pas avoir de gens qui galèrent au lieu de prendre la roue et aller cultiver. Parce que si vous ne cultivez pas, si vous ne faites pas l'élevage dans cette région, mais vous allez finir par être voleur. Et quand vous devenez voleur, sûrement que les normes sociales, les normes culturelles vont faire en sorte que vous soyez sanctionné et peut-être chassé de la société si vous avez volé. C'est pourquoi vous devez capitaliser cette culture de la vache, cette culture de la roue comme étant une valeur. Et c'est connu dans cette région. C'est donc dire que ces valeurs culturelles renseignent aussi ou renvoient aux valeurs économiques. Exact. Exact. Pourquoi? Parce que dans cette région, il arrive des fois, les gens tissent des relations. Lorsque les relations atteignent un degré élevé, Et moi, je suis ton ami, j'ai suffisamment de bovins, j'ai suffisamment de vaches, j'ai suffisamment de terres. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aussi te rendre heureux en t'offrant une vache qui va vous permettre aussi d'avoir de l'économie, d'avoir de quoi nourrir les enfants avec le lait demain ou après-demain. Je te donne la terre pour cultiver la terre et avoir aussi des moyens pour subvenir aux besoins vitaux. Revenons sur le plateau avec nos invités. Et quand il y avait des conflits violents entre pays, Aloïse Batungwanayo, est-ce qu'il y avait des mécanismes pour mettre fin à la violence? Bien entendu, dans nos pays, comme on parle du Congo, du Rwanda, du Burundi, il y a eu toujours des mécanismes de conciliation au Burundi, au Rwanda et même au Congo. Lorsqu'il y a eu un bain de sang, les gens finissaient par se réconcilier autour d'une cruche remplie de vin de sorgho, pas de banane, de sorgho. Spécialement de sorgho. Et mélangé soit au sang des chefs de famille, soit mélangé au sang des chefs de famille. Mais oui, ouais. Oui, au sang des chefs de famille qui se sont entretués. On se blessait, puis on mettait un peu de sang pour partager. C'était la réconciliation. Et on mettait dans le vin de sorgho. De sorgho. Mm-hmm. Et puis, il y avait également pour d'autres, vous savez que dans notre région, le mouton était considéré comme quelque chose de sacré. Que ce soit ici au Congo, les Bafuliro, les Bashi, les Banyarwanda, donc les Banyamulenge ou les autres, là il n'y a pas que les Banyamulenge, il y a les Hema, il y a les Lendu au nord Kivu. Ce sont des Rwandophones. Mais oui, ce sont des Rwandophones. Et là, ces gens-là. Vous savez quelque chose, Elias Kigabo? et là, ces gens, ils sont rencontrés, mais bien entendu, il y avait un médiateur qui les aidait à pouvoir discuter et on enterrait la hache de guerre. Enterrait la hache de guerre. Oui. Ce médiateur, il venait d'où? Le médiateur, c'était au niveau des clans. Non, au niveau des clans, il y avait toujours des médiateurs, des gens reconnus comme tels, et on faisait recours à ces personnes, et ils mettaient les gens sous un arbre, et on commençait à chercher la vérité. Pourquoi vous avez tué? Pourquoi vous avez volé? Pourquoi vous vous êtes vengé? Et lorsque la vérité éclatait au grand jour, il y avait alors ces mécanismes de conciliation. Cela veut dire que... Les commissions vérité et réconciliation, ça date de longtemps. Mais ça a existé depuis longtemps dans notre culture, que ce soit au Burundi, au Rwanda. Et d'ailleurs, comme on parle de commissions vérité et réconciliation, je pense que vous savez Nyaruteja au Rwanda. Nyaruteja. Oui, là où les... Oui, là où les Burundis et les Rwandais se sont réconciliés pour ne plus se faire la guerre. Quand ça? C'était vers 1660, comme ça, je ne me souviens pas de... Mais c'était autour du XVIIe siècle. Les gens, les Burundis et les Rwandais ont discuté parce que notre roi avait été tué. Le roi Mutaga avait été blessé au Rwanda et est mort. Mm-hmm. Et donc, les Burundis et les Rwandais se sont discutés pour ne plus faire la guerre et ils ont signé un accord de paix. On appelle, si je ne me trompe pas, Mubwicarabami bwa Nyaruteja. C'est au Rwanda. Ouais, ouais. Donc vous comprenez que le système de conciliation, de réconciliation de vérité existe depuis longtemps et je ne comprends pas pourquoi les Burundis avaient commencé à perdre. Non, pas seulement les Burundis, les Banyarwanda, Les Congolais avaient perdu cette coutume, mais ça existe depuis longtemps et ça avait des résultats tangibles qui amenaient la paix. Est-ce que vous pourriez ajouter quelque chose, professeur Pascal? Oui. En fait, depuis longtemps, nos ancêtres, je veux dire les Burundis, les Banyarwanda et les Bashi, Fulero, les Bahavu, ils avaient cette tradition de la civilisation du conflit. Ici, je reproduis une expression qui a été, créée par le célèbre historien politologue camerounais Achille Mbembe, qui enseigne en Afrique du Sud et dans notre université. C'est lui qui dit que pour résoudre les conflits contemporains en Afrique noire d'une manière générale, on peut se référer à des approches traditionnelles, par exemple les Sudushinanda, le Kachacha au Rwanda ou d'autres. Ici, c'est l'Ibanda. Ibanda, il y a même un endroit là. Ubaraza. Ça veut dire que c'est l'arbre à parables. Oui. Ça existe presque partout en Afrique. Ibanda, Baraza. Et oui. Voilà. Cette justice conciliatrice, c'est une justice qui ne va pas vous condamner pour payer des amendes, pour je ne sais pas, mais c'est pour concilier des frères. Parce que, bon, vous savez, il y a un proverbe en Kirundi qui n'est pas facile à traduire en français, où l'on dit « Ngumuryango mwiza wa mamu intahe ». Ça veut dire, dans la tradition africaine, ça c'est connu en anthropologie, on avait une façon de faire pour amener les gens à négocier en permanence, par exemple dans le partage de la terre, de laisser des espaces qui n'appartiennent à personne, des no man's land, pour entretenir des conflits qui vont pousser les gens à s'asseoir souvent ensemble, à partager, par exemple, le vin de Parme, la bière de sorgho, et négocier en permanence. Parce que c'est ça le propre de la politique, c'est la négociation permanente. Partout, on a besoin de... Alors, pour entretenir cette exigence de négociation permanente, il faut laisser des zones de conflit. Voilà, ça ne se faisait pas d'une manière explicite, mais intuitivement, naturellement, les Africains savaient faire ça. Et ici, chez nous, au Burundi aussi. Voilà, donc ça veut dire que le conflit, en fait, a une grande importance aussi pour l'entretien de la société. Ah bon. Parce que les gens se rappellent qu'ils doivent encore une fois s'asseoir ensemble, et de suite. Alors, ce qu'il a dit, mon collègue Aloïse, est vraiment une réalité. Il y a un endroit dans le nord du Rwanda qu'on appelle Twicharabami Twanyaruteje. Il y a même une pièce de théâtre. Moi, je me rappelle quand j'étais au secondaire, les années 80, d'un prof rwandais, au Twicharabami Twanyaruteje, où on jouait justement une pièce de théâtre où les deux rois négociaient. Alors, ici à Ngozi, par exemple, le roi du Burundi et celui du Rwanda se rencontraient souvent pour jouer à Ikibuguzo. Ouais. Oui, deux rois. Oui, une diplomatie au sommet. Les rois jouent à Ikibuguzo et c'est une occasion de parler des rapports entre le Rwanda et le Burundi. Parce que Dieu seul sait combien il y a eu des guerres entre les deux royaumes. Ouais. Ouais. Mais c'était des royaumes jumeaux. Et faux jumeaux. Il y a, est-ce que vous pourriez nous parler de cette histoire de Ibanda et de Baraza Baraza, moi je ne savais pas. Vous aussi, vous pouvez aussi, en tout cas, apprendre. Mais, vous connaissez à Bukavu, vous connaissez l'endroit où on appelle Ibanda, non loin de la mairie. Peut-être que la RDC s'est vaste. Ah, vous non, connaissez Bukavu? Non, je ne sais pas Bukavu. Il y a un endroit qui s'appelle Ibanda. Mais qu'est-ce que l'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour trancher des conflits de votre côté? Pour trancher des conflits qui éclatent entre... Chez nous, il y a des hommes, des sages. Des sages. Ça, des sages là. C'est des sages qui se soient et vous disent pourquoi vous avez fait cela. Vous asseyez et vous dites non, c'est pas bien. Vous savez que chez nous au Congo, il y a des conflits intercommunautaires. Comme ça, c'est des conflits, parfois on disait que c'est des conflits liés à notre culture. Il y a des éleveurs, des élevés et des cultivateurs. Les Bafalilo disaient que c'est votre troupeau qui nous attaque dans nos champs, et nous on dit que c'est pas le problème des élevés et des agriculteurs. Non, ces conflits liés aux conflits seulement inter-ethniques. Pour résoudre ces conflits, il y a des sages de deux côtés, les Bafuliru et les Banyamulenge, qui disent, non, ça c'est pas bon, il faut vous Mais il y a ces formes de trancher des conflits, oui, en permanence. De trancher les conflits en permanence, oui. Les conflits, il y en a, c'est normal, oui. Mais il y a cette façon de trancher. Oui, c'est des chassages seulement qui tranchent les problèmes. Isanganiro. Je rappelle en passant que l'émission Mosaïque d'aujourd'hui portait sur comment valoriser l'histoire commune et les valeurs culturelles positives des populations pour aboutir à une paix durable dans les pays de la région des Grands Lacs, le Burundi, le Rwanda et la RD Congo. Trois invités sont sur le plateau, à savoir Aloïse Batungwanayo, historien, chercheur, commissaire à la CVR, Commission Vérité et Réconciliation, professeur Pascal Nionizigie, politologue, enseignant d'université, spécialiste en matière des relations internationales, ainsi que Elias Kigabo de la communauté congolaise vivant au Burundi. Permettez que l'on retourne un peu à l'entretien avec Franck Lumo Bilongo, doctorant en histoire, enseignant à l'université de Bukavu, pour nous parler des blocages, de pourquoi il y a des blocages à ces valeurs culturelles, à cette histoire commune dans nos trois pays. Avec l'arrivée de l'homme colonial, les colonisateurs dans cette région, il a minimisé, si pas écarté nos valeurs pour imposer ce que lui appelle les vraies valeurs, les valeurs du monde civilisé. Et lui pense que nous sommes des primitifs, nous sommes des archaïques, il doit nous civiliser. Et il a vraiment cassé la chaîne de nos valeurs à nous pour nous imposer ces valeurs. Malheureusement, ces valeurs-là, que lui nous a imposées, n'ont pas vraiment apporté cette paix-là que nous cherchons tant dans cette région. Mais plutôt, ce que lui a pensé être valeur, nous ont plus amené à une division. Est-ce que ces défis ou ces blocages peuvent expliquer la persistance de ces conflits dans la région? Oui, ça peut. En tout cas, la notion des frontières, nous sommes dans un monde qui est en pleine mutation, en pleine évolution. Aujourd'hui, quand vous êtes en Europe, on ne préfère plus parler des nationalités, mais plutôt on préfère parler de l'Union européenne. Une union sans frontières. Tu es à Madrid aujourd'hui, demain tu peux être à Florence, tu peux être à Berlin et personne ne va t'inquiéter. Et ils sont à l'aise. Mais avec les frontières, ça n'a pas marché. Mais je veux également ajouter une chose. Après la colonisation, c'est-à-dire la post-colonie, les mêmes agents coloniaux, ils ont fait comme s'ils sont partis, mais sur le plan économique, ils n'ont pas laissé les terrains ou les mains libres aux gestionnaires qui sont venus après l'indépendance. C'est pourquoi d'ailleurs, au Congo, parce que nous formions un même État, le Congo, Rwanda, Burundi, il y a avant l'indépendance, un monsieur, quand les gens réclamaient l'indépendance au Congo, il va dire, écoutez, vous vous réclamez l'indépendance, d'ailleurs vous les militaires ici, vous voulez entrer en mutinerie contre nous le Belge, avant l'indépendance sera égal à après indépendance. Nous sommes dans les bas Congo, du moins au niveau de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire au Congo Kinshasa, il dit cela et exactement ça a été concrétisé. Avant l'indépendance, c'est égal après l'indépendance. Pourquoi? Parce qu'une semaine après leur départ, les Belges, ils ont entêté les Congolais et bien d'autres ici et là, dans cette région, jusqu'à ce que les gens ont commencé à faire des sécessions, la division, la séparation. Aloïse Batungwanayo, à un certain niveau, les trois pays de la région des Grands Lacs ont une histoire commune. Nous parlons du Rwanda, Burundi, République démocratique du Congo. Ils ont une histoire commune, des valeurs positives des populations, mais aussi quelque chose de commun au niveau de la culture. Pourquoi, selon vous, ces valeurs positives et communes ne sont pas exploitées par des leaders de la sous-région? Je le dirais en une seconde, c'est parce que nos communautés, communautés des Burundis, Rwandais et Congolais, nous avons été acculturés. Acculturés. Nous avons perdu notre culture. L'Occident nous a amené à notre mode de résoudre les conflits. C'est la justice punitive. la religion, surtout... Ils ont été rancuniers de notre mode de... Mais surtout, oui, l'Église ou le christianisme nous a amené une autre façon de réfléchir, une autre façon de penser. Et voilà, il nous a été difficile de pouvoir s'approprier de ces mécanismes de conciliation. Et voilà, nous le faisons mal. C'est juste, nous le faisons pour éliminer l'autre, au lieu de le faire pour revaloriser l'autre. C'est vraiment un grand problème. C'est une lacune. C'est une lacune. À un certain moment, le professeur Denis Diguet, qui a été mon professeur à l'Université du Burundi, il a parlé de l'organisation politique fondée sur les clans. Lorsque les missionnaires sont arrivés au Burundi, ils ont commencé à faire des études pour trouver qu'il n'y a pas les clans, il y a plutôt les ethnies. Ils ont remplacé les clans par les ethnies. Par les ethnies. Ils ont fait des études. Ils ont écrit des livres. Le tout premier livre qui est sorti au Burundi en 1904, écrit par Monseigneur Michael Johannes van den Bucht, qui parle, il était titulé « Les Warundi, un grand peuple de l'Afrique centrale ». Ce livre parle des ethnies au lieu de parler des clans. Et donc voilà, on nous amène à un autre mode de gouvernement qui n'était pas le mode de gouvernement fondé par les Warundi. Mais ça se fit la même chose que les Rwandais, au Rwanda. Ça fit la même chose au Congo. On nous amène d'autres modes. Mais au Congo, quand même, il faut s'en féliciter sur un point. Il y a eu une résistance. Une partie a résisté à l'inculturation religieuse. Les Kibangistes, normalement. Je pense que vous connaissez les Kibangistes. L'origine, ça a été, on ne veut pas votre religion, votre mode de réfléchir, de croyance. Nous avons notre mode de croire. Et là, ne nous imposez pas. Ne nous imposez pas. Mais nous, aujourd'hui, nous réfléchissons en Occident. Nous voulons manger en Occident. Celui qui ne mange pas les frites, on dirait, voilà, voilà. Il faut prier tous les dimanches. Il faut, je ne sais pas, gouverner, mettre 60% des Bahutu, 40% des Batutsi. Au Rwanda, il faut tuer les Batutsi, il faut tuer les Là, je ne parle pas des Batois. Là, au Congo, les Banyamulenge ne sont pas des Congolais. Il faut les chasser. Les Bafuliro, les Hema, il faut... Les Lendu, ça c'est au Nord Kivu. Et donc, voilà les conflits. La naissance des conflits commence par la perte de la croyance religieuse, la perte du mode de gouvernement qui était fondé sur les clans. Professeur Pascal Nyonizekiye, est-ce que vous pouvez le compléter ou... Ou contredire. Franchement, je voudrais revenir sur cette idée de mon ami Aloïse. La religion, elle est vraiment déterminante pour beaucoup de choses. La religion, c'est en fait, le mot religion, ça vient de relegare. En latin, ça veut dire relier. Relier l'homme à Dieu. Donc vous comprenez que c'est une relation fondamentale. Voilà. Alors, d'ailleurs, regardez dans tous les pays du monde, la religion détermine le système politique. Vous allez voir que les pays traditionnellement protestants, par exemple, sont des pays où la décentralisation est plus prononcée qu'ailleurs, où il y a le libre arbitre, alors que dans les pays anciennement catholiques, le pouvoir est très centralisé. L'exemple, c'est la France avec le jacobinisme. À l'époque, bon, avant l'arrivée des colons, on avait des croyances traditionnelles, le culte de Kubandwa ou d'autres croyances en Afrique. C'est ce qu'on a appelé le paganisme. Paganisme, le mot païen, paganisme, ça vient du grec, ça veut dire paysan. Ça n'a rien de mauvais. Un paysan, c'est un homme du pays. D'ailleurs, je crois que c'est l'anthropologue français Marc Auger qui a écrit un livre extraordinaire intitulé « Le génie du paganisme » où il montre qu'en fait, les païens ne se font pas de guerre entre eux. En païen, dans le cas du paganisme, des religions traditionnelles en Afrique, on n'a jamais été combattre les autres pour leur imposer sa religion. Le paganisme est vraiment tolérant. Il est ouvert à tout le monde. Et ça se fait à la discrétion de chacun. Alors, ces religions importées vont apporter justement des problèmes. Vous savez, il y a une expression en Kirundi qui est très, très, très éloquente. On dit « Kirezia yakuye kirazira ». Ça veut dire qu'il y a des pratiques qui n'étaient plus acceptées par l'Église catholique, notamment, qui étaient prédominantes ici. Oui, oui. Notamment, on va, la fête de Mugano, par exemple, sera à un certain moment oubliée. Voilà, on va réformer beaucoup de choses. Je ne dis pas que tout est négatif, mais ça participe à l'aliénation, au changement de mentalité. Il y a d'ailleurs un concept qui a été apporté par un philosophe congolais, BBB, je crois que, bon, il n'a pas voulu donner son nom, mais il appelle ça la makémologie. Ça veut dire makém, ça veut dire les traumas. Vous prenez 3 siècles d'esclavage, vous y ajoutez 1 siècle de colonisation, ça fait 4 siècles de traumatisme en Afrique, où les gens n'étaient pas sereins, où les gens étaient humiliés, où on disait « komakaki ». Voilà, chez soi, on était torturé parce qu'on n'avait pas apporté assez de caoutchouc, et ainsi de suite. On était traité comme un sous-homme. Tout ça, ça va entretenir un esprit d'humiliation. Et jusqu'à ce que certains Africains arrivent à croire que finalement, l'homme noir, c'est un homme qui a été maudit. C'est le descendant de Cham. Voilà, et ça, ça entretient un esprit de... Comment dire, d'humiliation. Oui. On ne s'en rend pas compte suffisamment. Mais je pense qu'il ne faudrait pas y traîner. Professeur Pascal Nyonizigye, en quoi cette histoire, revenons à l'histoire commune, ces valeurs positives des populations, en quoi est-ce que ça pourrait aider pour aboutir à une paix durable au niveau de la sous-région, au niveau de nos 3 pays, le Burundi, le Rwanda, la République démocratique du Congo? Et c'est la question que je vais poser à tout le plateau. Alors, y revenir, on ne peut pas revenir au 15e siècle, c'est impossible. Mais on peut s'approprier actuellement, à l'état actuel, au 21e siècle, des valeurs classiques, et c'est possible. En tout cas, ça devrait avoir de la place pour réconcilier les populations. Par exemple, le Bushinganahe. Sans redevenir le Bashinganaï du 15e siècle, ce qui est impossible, il y a moyen d'adapter cette institution à l'état actuel de notre sous-région. Ça veut dire il y a des choses, c'est ça qu'on appelle la modernité africaine. La modernité africaine, ça veut dire ce sont les valeurs, c'est ça la renaissance africaine. Ça veut dire il faut tout d'abord vulgariser ces valeurs, il faut apprendre l'histoire de nos pays, il faut connaître l'histoire et il faut connaître les ressources culturelles de nos pays. Et ça commence par la socialisation, par l'encadrement de la jeunesse. Et puis après, les gens, naturellement, ils vont trouver le moyen d'adapter ces valeurs à l'état actuel. Il faut que la jeunesse soit sensibilisée. Oui. Il faut vraiment que la jeunesse... La jeune génération. Oui. Mais attention, ils vont s'en approprier. Il faut adapter ces valeurs à l'état actuel de nos sociétés. Oui. Parce qu'on ne voit pas, par exemple, partager une bière avec du sang, maintenant ce n'est plus... Mais il y a moyen de jouer au football, ainsi de suite. Elias Kigabo, comment est-ce que cette histoire commune, ces valeurs culturelles positives pourraient aider à rétablir une paix durable au niveau de nos 3 pays? Merci. Moi, je pense que ça devrait être mieux si on fait la renaissance de notre valeur. Bon, parce que si l'homme est basé surtout sur ses valeurs. Lorsque tu as perdu les valeurs, tu as perdu tout. C'est-à-dire, notre valeur doit être renouée encore ou faire la renaissance de nos valeurs pour qu'on puisse vivre comme auparavant. Oui. Mais vous affirmez en tout cas que cette histoire commune, ces valeurs positives et partagées peuvent promouvoir une bonne cohabitation au-delà des frontières, au-delà de la République démocratique du Congo, au-delà du Burundi, au-delà de... Oui, bien sûr. Aloïse Batungwanayo. J'ai beaucoup aimé ce que le professeur Nyonizigi a dit. Kélésia Yakouye qu'il a dit là, c'est vraiment très important. Est-ce que ça se pourrait traduire comment? L'Église a supprimé l'interdit. Faut pas tuer. Au Burundi, il y avait un interdit. Faut pas tuer. Et dans les adages, il y avait des choses qui montrent qu'il fallait pas tuer. Et l'Église peut-être a supprimé ça. Et donc, moi, je dirais que il faut renforcer ce que Kigabo a dit, la Renaissance. Même en Europe, il y a eu le temps de la Renaissance. Il faut remonter dans les temps anciens, avant justement cet esclavage, avant justement cette colonisation, voir quelles étaient nos valeurs, quelles étaient nos antivaleurs, quelles sont les valeurs que le blanc nous a amenées, et faire une étude, commencer à enseigner d'abord aux gens, les Rwandais, les Burundais, les Congolais, la population est en majorité jeune. Commencer à enseigner ces valeurs. Et ces jeunes qui vont apprendre à l'école vont s'approprier de ces valeurs. Et lorsqu'ils vont aller dans la vie active, ils vont commencer cette fois-ci à en appliquer. Il ne faut pas ramener tel que, mais il faut adapter. Adapter et ne pas, je suis désolé, ne pas copier-coller les valeurs européennes. Et d'ailleurs, ce ne sont pas toutes les valeurs qui nous ont amenés. Lorsque je suis en Suisse, vous trouvez devant vous un tribunal de paix. Tribunal de paix. Mais oui. Mais ici, on trouve tribunal de résidence, de grande instance. Et là, c'est pour emprisonner. Mais tribunal de paix, c'est pour amener la paix. Et donc, je pense qu'il faut voir... C'est Nariamahor. Ça sonne bien. Mais oui, ça sonne... Pourquoi ne pas importer ces valeurs et rejeter ces antivaleurs? Comme ça, je pense que nos trois pays vivront en paix. Et je reviens à une chose l'étudiant doctorant a dit. Il a parlé de frontières. Avant, il n'y avait pas de frontières. Lorsque ces Blancs sont venus au Burundi, ils n'ont pas demandé de visa parce qu'il n'y en avait pas. Mais chez eux, ils avaient déjà construit ce qu'ils appelaient au XVIe siècle l'enclosure. S'enfermer. L'enclosure. Et c'est comme ça qu'ils ont quitté l'enclosure au niveau de la famille et ils ont fait l'enclosure au niveau national. Et voilà les frontières. Il faut casser cet esprit de frontières parce que ça casse également les valeurs. Moi, je pense que nous devrions, en tout cas, rentrer dans nos cultures, faire en sorte que nous puissions mettre en œuvre certaines pratiques qui vont ressusciter ces valeurs qui ont fait notre fierté, qui ont fait notre unité dans les temps. Que les gens dans cette région ici s'inspirent des exemples des autres États qui ont enterré les divisions et ils sont rentrés dans ce qu'ils avaient comme valeurs, notamment l'Allemagne, notamment la France, des pays ennemis, mais en un certain moment, juste après les guerres mondiales, la première et la deuxième, eh bien, ces pays-là se sont mis ensemble. Nous sommes en 1963. Le général de Gaulle est allé voir les chanceliers et ils ont discuté. Ils ont dit, écoutez, enterrons tout ce qu'il y avait, mettons-nous ensemble. Donc, nous devons nous inspirer de ces exemples pour pouvoir renforcer ces valeurs-là. Nous devons aussi renforcer la sensibilisation. Vous savez, nous sommes dans une région à haut risque, une région instable. Nous devons en tout cas renforcer les sensibilisations pour amener les gens à comprendre que nous tous nous sommes les mêmes parce que nous avons les mêmes valeurs. Elias Kigabo, qu'est-ce que vous pourriez dire comme message aux dirigeants et aux citoyens, les dirigés, les populations, pour que ces valeurs communes, cette histoire commune, servent plutôt de pont pour aboutir à une paix effective, durable? Je veux commencer pour parler des dirigeants et accorder à ce que mon ami vient de dire. Lorsque je suis ici au Burundi, alors que je suis un étranger, il y a peut-être des messages ou un comportement qui apparaissent sur les nationaux par rapport aux étrangers de notre région. Premièrement, déjà, je dirais qu'il faut supprimer les frontières. Vous savez, lorsque tu vis au Congo, tu arrives aux frontières, tu es de nationalité congolaise. Même si tu as tous les documents, il y en a des interrogatoires. Où est-ce que tu vas? Tu vas faire quoi là-bas? Tout cela. Il faut supprimer l'esprit des frontières. Parce que là où ils vont, les citoyens se sentent comme chez eux. Comme chez eux. Moi, je pense que en Europe, là où il y a les pays qui sont dans l'Union européenne, il y a les trucs sur qui tu viens de l'Allemagne, tu entres en France comme si. Il n'y a pas d'interrogatoire, des visas, des documents, quoi ça. Alors, je dirais que ça serait mieux si les dirigeants suppriment les frontières. Mm-hmm. Il n'y a pas l'importance des frontières. Il n'y a pas la différence entre les Congolais et les Rwandais. Lorsque je parle pas, je suis un Burundais. Mm-hmm. Oui. Comme si nous sommes ici comme ça, est-ce que quelqu'un peut entrer ici et puis dire que toi tu n'es pas Burundais? En tout cas, oui, donc que les citoyens, que les citoyens de nos pays se sentent comme des frères. Oui. Professeur Pascal Niziguié, tendons vers la fin de l'émission, un appel peut-être aux dirigeants et aux dirigés. Vous faites bien de souligner que c'est une tâche des dirigeants et des dirigés. Parce que, bon, on parlait de l'intégration, par exemple. Vous savez que la thématique qui est très, très importante actuellement en Afrique, ce qu'on appelle l'agenda 2063, c'est l'intégration régionale. C'est-à-dire la zone libre d'échange continental. Que les Africains puissent échanger librement. Parce qu'on a un niveau d'échange qui est trop bas. Je crois qu'on est à 16%, quelque chose comme ça. Alors, il faudrait que, on approche au moins au niveau européen de 60% d'échanges intra-européens ou 56% au niveau de l'Asie. On ne peut pas se développer sur une région, un continent quelconque, s'il n'y a pas d'intégration régionale ou continentale. Donc, surtout pour des pays qui sont très proches comme les nôtres. Il y a ce qu'on appelle en relation internationale les modes populaires d'action internationale. Ça veut dire les individus, les simples citoyens des trois pays savent comment traverser la frontière, même à l'insu des contrôleurs. Ils ont des voies de passage qui ne sont pas nécessairement contrôlées. Il y a des Burundais qui vont en Tanzanie saisonnièrement pour travailler, gagner de l'argent. Il y en a qui vont au Congo, et ainsi de suite. On va dire que le commun des mortels, c'est comment il faut s'adapter. Ils ont une capacité de résilience. Mais les autorités, nos autorités aussi, sont sensibles à la nécessité d'intégration. Évidemment, les autorités y vont d'une manière prudente. Merci. Voilà. Aloïse Batouanayo, un mot à placer. Moi, je pense qu'il faut franchir une autre étape de la décolonisation. Parce que nous sommes encore colonisés. Pourquoi je dis aujourd'hui, nous sommes colonisés parce que la notion de frontière est venue avec la colonisation. Parce qu'il fallait que la Belgique dise, ça c'est ma propriété, le Burundi, le Rwanda et le Congo, c'est ma propriété. Il ne faut pas que toi, l'Anglais, touche ici sans mon autorisation. Et l'Angleterre, il disait, la Tanzanie, c'est ma propriété. Et voilà, donc du coup, c'était les frontières. Et nous, les Africains, nous les avons acceptées. C'est-à-dire que nous sommes toujours dans la colonisation parce que nous avons fait notre la notion de frontière. Et donc, il faut comprendre pourquoi les frontières sont venues. C'était le partage de l'Afrique qui est un des résultats de la conférence de Berlin du 24 février 1885. Et donc, aujourd'hui, nous acceptons la décolonisation passant par les frontières parce que les valeurs sont des valeurs transfrontalières. Pourquoi alors mettre ces barrières? Il faut les enlever. Et là, il faut d'abord sensibiliser, relire l'histoire pour nous, les peuples. Et lorsque je parle des peuples, le président fait partie du peuple burundais. Le président Tshisekedi fait partie du peuple congolais. Le président Kagame fait partie du peuple rwandais. C'est pour cette raison que moi, je parle beaucoup plus de sensibilisation au niveau des peuples, de nos peuples, pour comprendre l'importance des valeurs transfrontalières et alors essayer de briser ses frontières physiques. Aloïse Batouanayo, chercheur, historien, membre de la commission Vérité, Réconciliation, CVR, merci d'être venu, merci de votre contribution à cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque, Monsieur Elias Kigabo. Vous êtes de la communauté congolaise vivant au Burundi. Merci. Je vous remercie. Merci, professeur Pascal Niziguié, d'avoir été des nôtres. Merci de votre contribution à l'émission Mosaïque. Merci à vous. Ainsi s'achève l'émission Mosaïque pour aujourd'hui. Elle portait sur comment valoriser l'histoire commune et les valeurs positives des populations pour aboutir à une paix durable dans les pays de la région des Grands Lacs, le Burundi, le Rwanda et la République démocratique du Congo. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Je dis également merci à Alain-Désiré Boukeyeneza pour la réalisation. À la présentation, vous étiez avec Léonce Vitalibo. Restez branchés, nos programmes continuent sur Isanganiro. Mosaïque.